bonjour à tous. Je sais que vous avez été nombreux à écouter notre premier épisode, et on vous en remercie. On commence déjà à voir les premiers retours. Et en fait, à l'écoute de vos commentaires, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être oublié un petit peu quelque chose. Donc, ça tombe bien, puisqu'on avait commencé notre épisode par « Dans les épisodes précédents », je vous propose de considérer celui-ci comme le petit easter egg qui sera l'épisode 0. Je serai donc accompagné aujourd'hui de Banzied. Salut, salut. Pour vous donner un petit aperçu de pourquoi ce podcast. Alors, pour commencer cette petite intro, certains d'entre vous, nos proches qui ont écouté les épisodes, nous ont dit « c'est dommage, les gars, on ne sait pas pourquoi vous aimez les mangas ». Et ils ont raison, on n'a pas commencé par la base. Moi, je suis parti du postulat que vous saviez déjà très bien pourquoi on aimait ça, donc je ne vois pas du tout où est le problème. Non, je plaisante, c'est vrai, ils ont raison, on aurait peut-être dû aussi vous planter un petit peu le décor, et c'est de notre faute. Alors, moi, comment ça m'a pris ? Grosso modo, sixième au collège, j'ai un ami, Corentin, qui me ramène des mangas pour la première fois. J'aimais déjà beaucoup les BD, et là, il me ramène Naruto et Fruit Basket. C'est arrivé tard pour toi, quand même, hein ? Ouais, c'est arrivé tard. Mon père, il avait pas Canal+, il avait pas la télé. Club Dorothée, j'ai pas connu. Je vivais dans une grotte. Et les seuls et le seul manga que à un moment donné je pouvais regarder, c'était Dragon Ball quand j'allais à La Réunion, où là c'était en clair sur les chaînes là-bas. Ah ouais. Donc ouais. Quand je rendais visite à ma famille. Mais sinon ouais. Mais t'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 11-12 ans. Ah ouais, t'es arrivé tard, parce que moi c'était beaucoup plus tôt. Mais vas-y, fini, après je le dirai pour moi, il n'y a pas de souci. Ah oui, moi j'ai pas connu Chevalier du Zodiac, j'ai pas connu entre guillemets ces mangas un peu plus vieux. D'accord, merci pour le pic. Et c'est vraiment au collège, quand on m'a ramené ces deux tomes, que Naruto, j'ai tout de suite accroché, le délire. J'ai trouvé ça accrocheur, cette façon de lire de droite à gauche. Parce que c'est complètement original, et le fait de, entre guillemets, lire les bulles dans un sens différent que dans une bande dessinée à la Astérix ou Lucky Luke, j'ai accroché. Et le dessin aussi, les différentes expressions, qu'on passe du comique à la violence, avec du sang, mais des passages plus joyeux, avec des déformations de visage. BD, c'est sûr. Quoi ? Non, je disais, c'est différent de la BD, c'est sûr. Ah oui. Et pareil, en plus, il m'a montré Naruto et Fruit Basket. Et là, je finis le premier Naruto et il me passe le Fruit Basket. Je commence à lire. Je dis, ah ouais, c'est pas du tout la même chose. Mais comme quoi, je me suis, comment dire, j'ai quand même accroché. Fruit Basket, c'est encore un manga aussi que j'aime beaucoup. Et ça a commencé comme ça. Du coup, il me prête ses deux tomes. Et depuis, ça a enchaîné. Je demande à ma mère, à chaque fois qu'on passe au supermarché, sur une grande surface, j'achète un tome. Le Naruto, je suis passé des trois premiers tomes au tome 11, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. T'étais gamin, c'est pas grave, ça peut se faire. Je m'étais donné comme objectif, allez, j'achète le tome 11, comme ça je sais que je fais la suite. Et puis après, ça a continué. Au collège, un autre ami m'a prêté les Dragon Ball. Thomas, si tu m'entends, il m'a prêté les Dragon Ball, et là, pareil, je n'avais jamais lu l'origin story de Dragon Ball. Je sais que Bulma rencontre Son Goku, etc., mais quand j'allais à La Réunion et que je tombais sur les épisodes, il y avait déjà Son Gohan qui tuait Cell, etc. Ah, c'est marrant, comme toi, t'as une découverte complètement non linéaire du manga par rapport à moi. Ah, du tout. J'ai vraiment appris... Enfin, vraiment, les mangas, j'ai connu petit à petit. Et les mangas un peu plus sérieux, à la Monster, par exemple, c'est vraiment venu beaucoup plus tard. En mode... Je pense que ça, de toute façon, il faut que tu aies un certain âge aussi pour l'avoir et comprendre le sens du manga. Quand on est tombé dedans, c'était vraiment l'enfance. Enfin, moi, c'était beaucoup plus jeune que toi. D'ailleurs, si je peux me permettre, je vais te couper la parole et je vais parler de moi. Vas-y. moi, mes premiers souvenirs de manga, je sais même pas si c'est pas des souvenirs induits, mais limite, tu vois, je me revois tout petit, tout gosse, presque chez la nounou, à tomber sur un épisode en 2 secondes qui aurait pas dû passer à la télé de Dragon Ball. Je me rappelle des épisodes quand je devais avoir 4 ou 5 ans, ouais, peut-être aller un peu plus, 5 ou 6 ans, chez mes grands-parents, avec du DBZ qui passe à la télé, parce que j'ai le droit au dessin animé, et ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Et en fait, c'est vraiment ma première approche. Enfin, la différence avec toi, c'est que bah, Dragon Ball, moi, je suis allé les acheter chez les marchands de journaux, enfin, à la presse du village même. Ah ouais, Quand tu avais, carrément. ouais, mais quand tu avais le micro-tome, parce que il sortait le format classique, c'était le bimensuel ou le trimestriel, et tu pouvais, si tu allais chez ton buraliste, avoir les tout petits tomes qui sont vraiment avec une tranche très très fine, qui étaient légèrement en avance par rapport à la sortie normale. Donc moi j'ai vraiment connu Dragon Ball quand c'était édité en mode tu sais vraiment pas ce qu'il y a après et tu peux pas te spoiler, tu peux pas aller chercher l'info, tu peux pas te dire bon bah je vais tout bouffer d'une traite. C'était vraiment bah, comme vous pouvez avoir l'attente aujourd'hui des séries qui sortent que vous appréciez quoi. Et j'ai ces deux souvenirs-là qui ont été marquants, et en même temps, le manga pour moi c'était un peu pas la chasse, mais j'ai des souvenirs bêtes, hein, un passage dans un supermarché avec mon père, et je vois le tome où bah, on va avoir le dénouement avec Freezer, et je pense que j'ai peut-être pas été sympa à ce moment-là. Mon père me dit bah non, là je te l'achète pas, et je me vois faire une tête de 15 km de long avec la caissière qui avait pitié de moi, limite en mode bah vas-y gros, achète-lui quoi, tu vois bien qu'il kiffe et fait du plaisir, c'est bon, même s'il est relou, c'est un bouquin quoi, ça va. Et ouais, il y a plein de trucs comme ça où bah, en fait moi ça m'a bercé. Donc quand tu dis les mangas de vieux, les animés style Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque, moi ça me transporte à quand j'étais gosse, ça passait à la télé et tu te levais le matin ou même en vacances, t'en profitais, je partais en vacances au soleil et il y avait la télé, on pouvait avoir Dragon Ball GT sur Télé Monaco, tu vois, quand on était dans le sud. Et Excusez-nous, c'était... monsieur. Comment? Bah Télé ouais, non, mais Monaco. c'était... Non, mais j'étais pas à Monaco, tu vois, mais dans le sud, tu captais, à l'époque, c'était les ondes hertziennes, et tu captais, en fait, les signaux, et tu pouvais avoir, si t'étais dans la région, la chaîne locale, quoi. Et du coup, le Télé Monaco qui était sur la télé dans la location, bah, moi, le matin, je me disais, putain, ouais, là, il est 11 h, si je me démerde bien avec les parents, on part pas avant midi en excursion, je vais pouvoir regarder mon petit épisode de Dragon Ball GT, ça va être trop bien! Et ouais, bah, c'est vraiment parti comme ça, quoi. Et Et puis après, après, bon, bah. Ça a été l'escalade. ouais, c'est ça. Bah, tu vois, après, il y a eu l'arrivée de Pokémon, Oui, exact. qui en vrai a fait un gros boucan, hein, le dessin animé, avec le générique qui est encore extrêmement connu aujourd'hui. Même Bah, les. meilleure technique marketing, Ah, bah, ça. tu sors un jeu et tu te dis vas-y, on va tenter un épisode, enfin on va tenter des épisodes à côté, et bah, c'est banco quoi, ça fonctionne avec tout le monde. Et puis tous les jeux entre guillemets à base de produits de cartes ou comme Yu-Gi-Oh! Pareil. Alors, je sais pas si Yu-Gi-Oh! C'est à la base une carte ou des mangas. Mais ça, vous nous le direz en commentaire parce que j'ai un gros doute. Et puis Moi, je. t'as eu aussi Beyblade. Bon, c'est un peu Ouais, con-con, alors ça, un peu moins. Ouais, j'ai mais eu plus de mal. moi, au collège, je vois je vois des mecs qui balancent des toupies, il y a des monstres qui en sortent, je me dis, waouh, c'est génial! Après, t'avais Yu-Gi-Oh! Pareil avec des cartes, alors moi, tu sais, il me fallait pas grand-chose, hein. Ah bah les cartes, j'ai le même problème que toi, hein. Je les ai encore, je pense que j'ai fait chier mes potes quand j'étais petit, à faire des échanges, à essayer de les avoir. Je sais même pas comment on faisait, mais on avait des cartes japonaises. Enfin, moi je... Bah voilà, encore un souvenir à la con, mais je suis parti en Italie avec mes parents, et à l'époque c'était, tu sais, les trois dieux égyptiens. Ouais. Et t'avais beaucoup de fausses cartes qui sortaient, et on était parti en Italie avec mes parents au marché de Vintimille, qui est connu pour ses contrefaçons. Et ben là, mon gars, je peux te dire que j'ai eu toutes les cartes. Toutes les cartes de contrefaçon. C'est exactement ça. Mais au moins, je les ai eues, j'étais content. Et puis j'avais réussi aussi à choper les decks originaux de cette saison-là avec Marek, Yugi, Kaiba et Joey, qui étaient sortis. Je les avais en édition japonaise. Je les ai revendus depuis, mais en vrai, ça m'avait fait des souvenirs. Je me suis dit, mais c'est incroyable, la chance que... Tu sais, c'est ce côté matérialiste, et en même temps, ça sert ta passion, quoi. C'est ça qui me rend Oui, fou, c'est c'est... achète ma merde. Clairement. Comme le dit Jour du Grenier. Après, je sais pas pour toi, mais après, j'étais pas totalement tout seul avec mes trois sœurs. Mes sœurs ont aussi aimé les mangas, tu vois. J'avais ramené Fruit Basket, elles ont lu aussi, et puis elles ont commencé à les acheter. Mon aînée, elle, je sais même pas comment c'est arrivé, ça a été Death Note. On Ah a oui, bah oui, bien eu le sûr. tome 1, et ça a commencé par comme ça, et Death Note, bon, finalement. J'ai pas réussi à finir à l'époque parce que à un moment donné, il y a beaucoup trop de textes et de mise en scène et de Tu ne savais pas situations. lire. Si toi tu fais ça, alors je savais que tu avais fait ça, alors que tu avais fait ça, mais j'avais prévenu que tu avais fait ça. Donc. C'est vrai qu'il y a énormément de rebondissements en mode de oui, mais je suis dans ta tête, mais non, c'est moi qui suis dans ta tête, oui, mais je suis plus dans ta tête. C'est ça. On a parlé de Canal+, et Canal+, à un moment donné, en clair, il y avait des passages de Fullmetal Alchemist aussi. Ouais, c'était un très très bon média pour pouvoir s'acoquiner avec le principe du manga et de l'anime. C'est vrai qu'ils ont vraiment eu cette période avec le petit Jérôme Niel qui faisait son petit truc de 4-5 minutes et derrière t'enchaînais avec l'épisode de manga qui durait 30 minutes, quoi. Et du coup, à chaque fois, sur Canal+, bah, je tombe sur un épisode comme ça au hasard. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Pourquoi ils font ça? Et bah, pourquoi ils tapent dans ses mains et ça fait ça? Du coup, rayon manga, Fullmetal Alchemist, tome 1, et c'est parti comme ça. Ok, pareil. Pareil. Alors moi, je serais incapable par contre de faire comme toi et de dire par lequel j'ai commencé et tout. Enfin, si, Dragon Ball, ça c'est évident. Mais la suite, aujourd'hui, pour vous donner une idée, je pense que j'ai lu et j'ai en ma possession à peu près 143 éditions de manga et presque 1400 tomes. Donc, sans compter ceux que j'ai pu regarder en animé ou qu'on m'a prêté. Ce Grande qui fait bibliothèque. que, oui, un peu trop, elle déborde, j'ai plus de place. Mais c'est quelque chose en fait où bah, c'est une passion qui est dévorante. Et moi, l'intérêt en fait, ça a été de. C'est pas comme toi, j'ai pas de frères et sœurs, je suis fils unique. Et c'était un peu aussi le lien avec les copains à l'époque de partager une passion. Enfin, Dragon Ball, comme tu disais, il y a eu aussi les produits dérivés, il y avait les figurines. Bon, bah, Oui, les tu jouais à la récré figurines. avec les copains, et là, c'est. Ça commence à devenir un peu n'importe quoi parce que toi t'as celle-là, lui il a l'autre, alors vous jouez ensemble et puis vous rencontrez et vous échangez, et voilà, et c'est comme ça qu'on se fait des potes aussi, hein. De toute façon, c'est une ouverture. Après, pour être un peu plus philosophique, moi je trouve que c'est quelque chose qui m'apporte quand même énormément, qui m'a énormément apporté parce que, comme tu disais par rapport au BD, la différence c'est la place des émotions. Je trouve que paradoxalement, si, alors attention, ça va être très philosophique effectivement, mais si tu fais une analyse de la société, nous on est plus à montrer nos émotions en Occident, je trouve, dans le commun de tous les jours. Et nos BD, même s'il y a une transmission d'émotions, elle est plus pudique. Alors qu'en Orient, j'ai vraiment l'impression que c'est l'inverse. Les mangas, c'est un vecteur de communication émotionnelle extrêmement fort. Avec ce que tu disais tout à l'heure, les expressions des personnages, les situations, le fait de passer du rire aux larmes, la tension, ce genre de choses, la description visuelle est beaucoup plus forte dans le manga que dans la BD. Je suis en train de regarder mes BD là sur le côté et je me dis oui, c'est comme tu es en train de dire, on est à côté d'un Astérix, d'un Lucky Luke ou des BD comiques comme les Tuniques Bleues, tu vois, c'est vraiment une histoire et c'est juste une histoire. Oui, tu vas voir ton personnage principal faire des actions incroyables, boire la potion magique. Et tu vas le voir faire des trucs rigolos parce que les Gaulois, ils n'arrêtent pas de se battre pour rien, D'ailleurs, on boit etc. toujours la potion magique et on continue toujours de se battre. C'est Ça ça. nous a forgé aussi. Là, je regarde L'Empeseuse de Troie qui est un peu plus sérieux, mais pareil, on va avoir des gags, des jeux de mots et des relations un petit peu plus sérieuses, mais rien de franchement un peu plus C'est pas profond. comparable. C'est pas C'est pas comparable. comparable. Et quand je vais ouvrir un manga, je vais avoir la tête du personnage qui peut passer du rire à la tristesse, tout ça dans un seul tome. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah, bah pour moi, la charge émotionnelle du manga reste plus forte que celle de la BD. Alors attention, je dis pas que le dessin transporte plus de charge émotionnelle, je dis juste que la façon dont c'est présenté, c'est assumé et clairement le but de l'œuvre. Le personnage, ça passe vraiment par son visage. Là où une BD va chercher à nous transporter par le style ou la qualité du graphisme, là, dans le manga, on est vraiment sur le personnage qui transmet ses émotions et qui n'a pas peur de les montrer. Alors que bah, c'est un peu l'inverse de la population nippone. Si on y réfléchit bien, ils sont vraiment. C'est pas qu'ils sont renfermés, mais tu montres pas tes émotions au public comme là, ça ressort dans les mangas. Même chose avec les comics, là je regarde mes Batman et je me dis, bah, c'est pas pareil. J'adore les comics, mais je suis moins transporté. Je suis Bah, beaucoup puis moins c'est transporté. plus. C'est plus linéaire, c'est là aussi je trouve que dans le comics, si l'ambiance assumée c'est sombre, tu vas avoir un ou deux pics caustiques, tu vas avoir un petit peu de cynisme, mais tu vas pas avoir la blague complètement assumée de trucs très très drôles avec le héros qui éclate de rire. Je pense notamment à Batman, tu vois. Il Y a peu de chance. va te faire sa petite blague un peu cynique avec le sourire en coin, mais ça va être son émotion de joie et t'auras pas plus en climax dans la BD, contrairement au manga où là vraiment tu regardes Luffy quand il est en colère, il est en colère, et quand il est heureux, c'est un gamin quoi. Totalement ça, c'est totalement ça. Après, on va être un petit peu scolaire, mais moi je trouve que déjà cette passion elle m'a apporté beaucoup dans la vie parce que bah, déjà elle a augmenté mon cercle social, hein, on va pas se le cacher. Mais je pense qu'on s'identifie aussi et on se construit en fonction de ce qu'on ingère. Et comme j'ai mangé beaucoup de manga dans la vie, je vais pas dire que je suis un personnage de manga, mais ça a un peu biaisé ma vision du monde et ma façon de me comporter pour certains trucs. Je vais pas dire qu'il faut absolument s'inspirer des personnages, mais tu vois, le côté Shaman King, on verra bien, le côté il faut relever les défis de la vie parce que on va tous en manger plein la tronche. Alors oui, la vie elle t'apprend ça déjà de base, mais quand t'es gamin et qu'on te l'explicite sous forme graphique, bah tu comprends que voilà, les hommes poissons c'est pas ce sera tes futurs employeurs, le méchant Freezer ça peut être le type en face qui va te gonfler, enfin il y a des choses comme ça qui c'est un peu l'école de la vie en format papier en plus de ce que tu vas rencontrer dans ton quotidien quoi. Et encore, plus tu grandis, plus tu comprends certains aspects de, ben, oui, de la vie, mais tu as beaucoup d'allégories ou de métaphores Bien dans One Piece, sûr. par exemple, que je ne comprenais pas forcément à un moment donné. Alors oui, l'esclavage des hommes-poissons par les... Oui, les dragons. Oui, les dragons, qui sont, entre guillemets, la population la plus... pas la plus classe, la plus haute, Bah, la plus haute caste, quoi, la avec le plus haut de population, c'est ça. statut, la plus haute Ouais. caste. Et en fait, tu te rends compte que c'est un peu le cas aussi chez nous. Oui, T'as mais de toute façon. cette catégorie de personnes qui vivent bah, dans un autre monde et qui se permettent, entre guillemets, de faire ce qu'ils veulent, alors que ce n'est absolument pas normal. Bien sûr, mais je pense qu'on fera un épisode sur eux, c'est pas. Là, on n'aura pas la place de vous Non, donner non, non, mais tu l'analyse et vois, la critique au fur et profonde. à mesure que j'ai grandi et que je revois certains passages, je me rends compte que, putain, ça tape en plein dedans. Mais pour moi, de toute façon, c'est comme les Simpsons, t'as plusieurs degrés de lecture, comme beaucoup d'œuvres, c'est voilà, c'est une critique sociétale, c'est une analyse de ce qui se passe autour de nous. Et c'est juste que quand t'es gamin, bah oui, c'est des dessins animés, donc c'est marrant, mais ou c'est une BD ou un manga, donc c'est marrant. Mais en soi, oui, ça reste quand même un vecteur de critique sociale. On a parlé de Monster dans l'épisode précédent. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin pour vous montrer à quel point c'est une analyse aussi de la société, quoi. Y a les gens, ils vont me dire, faut pas tout politiser, et à côté, tu peux te dire, mais en fait, quand tu regardes une œuvre, surtout une histoire, si à un moment donné, il y a de la politique. Dans Naruto, quand on demande à Itachi, soit tu massacres ta famille, soit tu trahis le village. Derrière, c'est pas juste une histoire de vengeance, il y a autre chose. Ça va beaucoup Ah plus loin. oui, oh, oui non, mais puis après, voilà, sans vouloir prêter aux œuvres des critères ou des messages qu'ils n'ont pas voulu transmettre, je pense que voilà, c'est une volonté d'expression. Et comme l'art de manière générale, oui, il y a une part d'aléatoire, d'original qui vient d'on ne sait où, mais de toute façon, tu écris et tu dessines sur ce que tu connais, sur ce qui t'entoure et sur ce qui te touche. Donc c'est normal que tu retrouves une époque, c'est normal que tu retrouves des éléments de vie sociale qui se plongent, enfin, qui sont portés sur le papier. Et c'est une magnifique transition pour dire pourquoi on vous partage ça. C'est qu'effectivement, nous, on a cette appétence, on a ce regard critique, on voit pas tout, parce que clairement, si on devait s'amuser à décortiquer, d'une, pour vous, ce serait chiant, et de deux, pour nous, ça perdrait peut-être un petit peu de sa magie. Puis on n'est pas omniscient. Non, clairement. Mais l'intérêt, c'est vraiment de transmettre ça. Moi, je sais que, voilà, on l'a déjà dit, on est vieux. Je suis plus proche de la Bon, on quarantaine n'est pas maintenant si vieux que qu'avant. ça parce que on va pas parler des gens plus vieux que nous qui aiment le manga quand même. Non, mais ça, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on approche quand même doucement de la quarantaine, et enfin, surtout moi. Et le truc, c'est que on est dans une situation où bah, moi je me rends compte que, comme pour beaucoup de choses où mes parents auraient pu me dire bah, tu verras, c'est une passade, un jour t'arrêteras, machin, bah, soit je suis un grand gamin, ce qui est possible aussi, soit effectivement bah, ça fait partie de notre culture, point. Et ils l'ont pas vu venir, parce que eux, c'était les vinyles, c'était le cinéma, c'était les livres comme pendant des dizaines et des centaines peut-être d'années, mais. Nous, le manga a pris une part où aujourd'hui, ouais, ça fait partie de la culture. Et pour moi, c'est important de le partager avec les autres. Et le but de ce manga, enfin de ce manga, pardon, de ce podcast, à mon sens, c'est aussi de pouvoir vous montrer que, ok, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se font. C'est bien le fait que les rayonnages soient très remplis, que on ait énormément d'offres, qu'il y ait beaucoup de choses qui sortent tous les mois et que bah, ce soit même dur à suivre financièrement. Et qu'on soit le deuxième pays le plus gros consommateur de manga après le Japon. C'est clair, mais souvenez-vous bien que, et ça va faire vieux de dire ça, nous on a connu le moment où ça commençait à sortir, ça a failli se casser la gueule, parce que moi je me souviens d'une période où la Fnac a réduit son manga de moitié, le rayon manga était devenu vraiment limite ridicule, en mode on sait pas si on continue, parce que, bah voilà quoi, clairement les ventes ça pousse pas plus que ça, et il y a eu un glow-up à un moment, et c'est aussi grâce à vous. C'est pas que le Covid. Alors oui, ça va être bizarre de parler de ça, mais en vrai, statistiquement, il y a eu un boom hein, à ce moment-là. Mais même avant, il y a eu une volonté du Japon d'exporter un peu plus sa culture sur le papier. Et merci d'avoir répondu présent. Et je pense que si vous êtes là à nous écouter aujourd'hui, c'est parce que vous faites partie de ces gens-là qui ont été touchés et impactés par ce moment-là. Et pour Soit nous, ils sont enfin. comme nous, et oui, ils ont connu ça, entre guillemets, jeune, petit à petit. Soit, oui, tu as eu ce qu'on appelle, entre guillemets, la génération Netflix, tu vois, parce qu'ils n'ont Oui, proposé. aussi. Parce que tu as eu des séries au début, puis après, tu as eu pas mal de mangas qui ont été proposés sur la plateforme. Et continuez tout ça, parce que nous, déjà, ça nous permet de vous partager nos expériences et de vous faire découvrir des choses que certainement vous n'irez jamais lire ou vous n'auriez même pas connaissance. Parce que pour l'instant, je vous avoue que les premiers, on va faire sur des mangas qui sont soit pas trop de niche, soit assez récents. Mais ne vous inquiétez pas, hein, dans les tiroirs, moi, je suis sûr, je vais vous sortir des noms. Vous avez jamais entendu parler soit de l'auteur, soit du titre. Mais c'est aussi ça qui s'est démarqué, enfin qui a démarqué le manga des autres œuvres littéraires, c'est que t'as le format aussi. Autant dans une BD tu vas avoir une histoire en un tome ou deux pour les comics, deux ou trois, et puis t'as le manga qui arrive et qui va te proposer une histoire genre pendant 20, 30, 40 tomes. Et Ah t'es non. obligé de t'accrocher et de continuer pour savoir la fin de tout ça. Alors c'est marrant que tu parles de ça parce que moi j'aime bien justement prendre le contre-pied de ce style-là. J'aime bien aller chercher les mangas courts qui sont soit des one-shots, soit des courtes séries en 4, 6, 8, 10. Et croyez-moi, il y a des petites pépites, hein. Il y a des choses qui sont pas très très connues mais qui marchent très très fort. Ah bah tu vois, j'ai hâte que tu nous montres ça, parce que des histoires en 10 tomes, ça peut toujours être intéressant. Surtout que maintenant, même, entre guillemets, les médiathèques municipales proposent de plus en plus de mangas. C'est La vrai. médiathèque à côté de chez moi, il y a des trucs que j'ai lus, je serais incapable de te ressortir le nom, c'était des trucs, des seinen assez glauques, mais dont l'histoire était assez prenante, tu vois? Et tu vois, tu viens de me redébloquer un souvenir, et je pense que ce sera le dernier pour aujourd'hui. Mais moi, mon appétence aussi du manga un peu chelou, elle a émergé à cause de Blackjack. Ah Blackjack, ouais. c'est un manga qui est juste ignoble quand t'es gamin. J'ai lu ça, je devais avoir 8 ou 9 ans. Et il était à la médiathèque de mon village, il devait y en avoir 3 ou 4. Et franchement, c'était incroyable. J'essayais à chaque fois de les choper. J'étais en mode, bon, bah là, je vais aller dans le coin BD. On va faire croire qu'on va lire les trucs genre Astérix. Et il y avait ces quatre tomes-là. Et je me souviens du frisson d'horreur, limite en les lisant. Mais en même temps, c'était bien parce que j'avais pas le droit. C'était le côté interdit, tu vois. Ouais, Et clairement, clairement. Bah, tu mais vois, ouais, non. je suis tombé par hasard sur. Je sais pas comment c'est arrivé. Bah, pareil, hein, dernier souvenir, désolé. Je récupère un tas de cassettes. Sur une d'elles, je vois Ken. Je vois ce que c'est, je mets. Ah oui. Ken le survivant. Et bah, j'avais. Je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais beaucoup trop jeune. Et je peux vous dire que. Alors, sans être traumatisé, il y a des passages Ça qui fait sont des petits restés souvenirs. à vif. Ça fait des petits souvenirs, ça fait son effet. Mais ouais, l'important en fait pour nous, c'était vraiment de lancer ce podcast-là en vous montrant, et je pense que là, pour le coup, le défi est réussi, puisque on pensait faire un tout petit format de 10 minutes et on va quasiment le doubler, je pense. L'intérêt pour nous de faire ce podcast, c'était de vous partager notre amour en fait du manga, tout simplement, de cette culture japonaise. Je ne sais pas si on aura l'occasion de parler autre chose que de support visuel papier ou d'animé, mais sincèrement, ça prend une part quand même de notre vie, ça prend une part de mon budget à titre personnel, parce que je suis un gamin, je l'ai déjà dit, mais voilà, Banzai Dismar, parce qu'il sait qu'il y a énormément de figurines chez moi. On est des grands enfants, de toute façon. Mais oui, bah personnellement, je regrette pas. J'espère que je vais pouvoir vous transmettre ça au fur et à mesure des épisodes parce que pour moi ça prend beaucoup de place. Ça m'empêche pas d'avoir ma vie à côté, mais c'est quelque chose qui fait partie de moi et je pense que si j'arrive à vous transmettre cette passion ou au moins vous faire sentir la place que ça prend dans ma vie, bah, je serai déjà satisfait. Bah, je pense qu'on est beaucoup de cette génération à avoir aimé quelque chose quand on était petit. Et en grandissant, on s'est dit, bah non, j'ai pas envie de l'abandonner et de continuer à aimer ce qu'on regarde, ce qu'on lit, et continuer à acheter des choses qui nous créent un lien avec. Bah, de toute façon, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'effectivement, on se démarque de la génération précédente par rapport à ça, dans le sens où nous, c'est plus assumé à notre époque. Je pense à des personnes qui ont 10 ou 15 ans et qui sont un peu comme ça par rapport à des choses qu'ils ont connues dans leur jeunesse et qu'ils n'ont jamais lâchées. Mais eux, ils ont plus ce statut-là d'alien en mode c'est pas normal parce que pour eux, il y a un moment, c'est bon, bah là, t'es adulte, maintenant, t'arrêtes avec ta passion et tu fais ta. Tu deviens un grand T'as une maison à monsieur payer et. là, allez hop. Voilà, le crédit. Bon, ça n'empêche pas, hein, mais. C'en est où les enfants? Voilà, c'est ça, c'est les enfants, la voiture, le minivan, les VTT, le chien, le pavillon et les vacances à la mer une fois par an. Et ce sera très bien parce que c'est ça le sens de la vie. Et je pense que notre génération s'est clairement détachée de ça, avec ce côté, oui, tu as le droit de garder cette part de ton enfance qui t'a touché. Non, c'est pas une honte d'aimer encore le manga à 30, 40, 50 ans. Tu as le droit d'être toujours devant ta console le samedi matin, le week-end, plutôt que d'aller faire les courses sur le marché. Et les deux peuvent très bien se croiser. C'est pas antinomique, quoi. Enfin. Bah, on a le droit d'aimer les œuvres qu'on aime, tout simplement. Voilà, je pense que c'est une très bonne conclusion ça. On a le droit d'aimer les œuvres qu'on aime et on a le droit de rester avec cette part sans pour autant de faire de nous des gosses qui nous appartient en fait. Ça fait partie de notre construction et c'est encore là aujourd'hui. Donc voilà, c'était ce petit épisode, enfin petit là encore, bah, on a un peu dépassé, mais on espère que ça vous a plu quand même. J'espère que l'Easter eggs était intéressant parce que vous voyez, à la base, on a vraiment sorti dans les épisodes précédents en disant de toute façon, il n'y aura pas de précédent et c'est une super vanne d'intro pour le premier épisode. Et finalement, bah, je propose qu'on considère cet épisode comme l'épisode 0. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt. C'était un plaisir d'être avec vous, les gars, et puis et les filles, bien sûr. Et puis, bah, n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires. Et comme dit Banzied à chaque fois, on vous souhaite de saintes lectures et le plaisir de vous retrouver dans les épisodes qui vont suivre. Salut, salut! Salut!